La publicité. Ce critère de qualité acoustique désigne l'ensemble des facteurs sonores de reconnaissance, d'appréciation ou de perception du caractère public d'un espace urbain. Le terme publicité doit donc ici être entendu au sens littéral de ce qui fait le caractère public de tel ou tel lieu. Trois facteurs sonores de publicité peuvent alors être distingués. Premier facteur, l'anonymat. On reconnaît le caractère public d'un espace ou d'une situation à l'anonymat des échanges. Ce critère peut être un facteur de valorisation, mais il peut être aussi un instrument de dévalorisation de l'ambiance sonore, surtout lorsque celle-ci est peu animée. Les deux marques sonores principales de l'anonymat sont la multiplicité des émissions, tout d'abord, qui sont dominées habituellement par les voix, les pas ou les voitures. Et ensuite, la mobilité des sources, qui interdisent à l'auditeur de les rattacher à une personne ou à une scène singulière. Deuxième facteur sonore de publicité, l'interconnaissance. On apprécie le caractère public d'un espace sonore en fonction des situations d'interconnaissance ou du potentiel de rencontre qu'il donne à entendre. L'anonymat alors se laisse domestiquer, il laisse la place et même permet l'ouverture à des rencontres imprévues, mais qui sont ritualisées, c'est-à-dire qui n'engagent pas l'intimité de chacun. Par exemple, les échanges avec les commerçants du marché, avec les gens du quartier, ici, entre des joueurs d'échecs, dans un jardin public. Troisième facteur, on perçoit le caractère plus ou moins public d'un espace dans le rapport différentiel qui s'établit entre les sons publics et les sons privés. Ce rapport public-privé peut donner lieu à des appréciations très positives lorsqu'un équilibre s'établit entre les deux, équilibre qui est d'autant plus apprécié peut-être qu'il est plus fragile. Mais il peut au contraire donner lieu à des appréciations très négatives lorsqu'il y a des équilibres, les sons publics étant alors perçus comme des intrus dans la sphère privée ou inversement.